À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le maréchal Kim Jong-un a reçu les messages de félicitations de la part des organisations au niveau central de la Chongnyon, Association générale des Coréens restant au Japon, comme le Conseil permanent de l'Association des commerçants et industriels coréens et le Présidium du Comité central de l'Union de la jeunesse coréenne et des formations sous leur égide, des entreprises notamment le journal Joseon Shinbo et le Service de l'information de Corée, des directions locale de la Chongnyon, ainsi que des écoles coréennes de tout échelon, y compris l'université coréenne. Les destinataires ont qualifié la fondation de la République d'une fête remarquable dans l'histoire nationale cinq fois millénaire, qui a proclamé la naissance du premier pouvoir indépendant axé sur les masses populaires et de l'événement historique qui a fait des ressortissants coréens au Japon citoyens d'outre-mer de l'État indépendant et souverain. Ensuite, ils ont affirmé que les résidents coréens au Japon ont pu remodeler leur destin grâce à la patrie socialiste fondée par le généralissime Kim Il-sung et dirigée par le généralissime Kim Jong-il, et qu'ils mènent aujourd'hui une vie plus fière grâce au respecté maréchal Kim Jong-un qui conduit lucidement le mouvement des Coréens au Japon. Pour terminer, les destinataires ont souhaité santé au maréchal Kim Jong-un.